les premiers pas. Le lendemain de fort bonne heure, Julien faisait des copies de lettres dans la bibliothèque lorsque Mademoiselle Mathilde y entra par une petite porte de dégagement fort bien cachée avec des dos de livres. Pendant que Julien admirait cette invention, Mademoiselle Mathilde paraissait fort étonnée et assez contrariée de le rencontrer. La présence de Julien rendait inutile sa course de ce matin, ce qui la contraria d'autant plus qu'elle venait chercher le second volume de « La princesse de Babylone » de Voltaire. Le comte Norbert parut dans la bibliothèque vers les 3 heures. Il venait étudier un journal pour pouvoir parler politique le soir, et fut bien aise de rencontrer Julien, dont il avait oublié l'existence. Il fut parfait pour lui. Il lui offrit de monter à cheval. « Mon père nous donne congé jusqu'au dîner. »« Mon Dieu, monsieur le comte, » dit Julien, « s'il s'agissait d'abattre un arbre de 80 pieds de haut, de l'équarrir et d'en faire des planches, je m'en tirerais bien, j'ose le dire, mais monter à cheval, cela ne m'est pas arrivé 6 fois en ma vie. »« Eh bien, ce sera la 7e, » dit Norbert. Au fond, Julien se rappelait l'entrée du roi à Verrières et croyait monter à cheval supérieurement. Mais en revenant du bois de Boulogne, au beau milieu de la rue du Bac, il tomba en voulant éviter brusquement un cabriolet et se couvrit de boue. Bien lui prit d'avoir 2 habits. Au dîner, le marquis, voulant lui adresser la parole, lui demanda des nouvelles de sa promenade. Norbert se hâta de répondre en termes généraux. « Monsieur le comte est plein de bonté pour moi, » reprit Julien. « Je suis tombé au beau milieu de cette rue si longue, près du pont. » Mademoiselle Mathilde essaya en vain de dissimuler un éclat de rire. « J'augure bien de ce petit prêtre, » dit le marquis à l'académicien. « Un provincial simple en pareille occurrence. C'est ce qui ne s'est jamais vu et ne se verra plus. Et encore il raconte son malheur devant des dames. » Mademoiselle Mathilde faisait des questions à son frère sur les détails de l'événement malheureux, et Julien, rencontrant ses yeux plusieurs fois, il osa répondre directement, quoiqu'il ne fût pas interrogé, et tous 3 finirent par rire, comme auraient pu faire 3 jeunes habitants d'un village au fond des bois. Malgré tant de bonté, Julien se sentit bientôt parfaitement isolé au milieu de cette famille. Tous les usages lui semblaient singuliers, et il manquait à tous. Ses bévues faisaient la joie des valets de chambre. L'abbé Pirard était parti pour sa cure. Si Julien est un faible roseau, qu'il périsse. Si c'est un homme de cœur, qu'il se tire d'affaire tout seul, pensait-il.